بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. On commence aujourd'hui ces دروس ان شاء الله في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخذنا في الدرس السابق مسألة النية إخلاص النية في طلب العلم فكي سكي نغبل سكوى النية الحسنة في طلب العلم أي la bonne intention. On avait cité des choses qui montrent ou qui prouvent que Talib al-Ilm, ça doit être son objectif, son but. Ça montre que c'est ça, An-Niyya al-Tayyiba. Qui c'est qui se rappelle? Tadal? Naam, al-Ikhlas. La sincérité, c'est ça la question. La sincérité. Qu'est-ce que tu dois faire pour être sincère? Ça doit être quoi tes objectifs? Naam. Ton but, c'est al-Amal al-Salih. Fatatlub al-Ilm, c'est pour al-Amal. نعم كذلك الدعوة pour faire الدعوة إلى الله جل وعلا رفع الجهل عن النفس وعن الغير كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه تفضل زيد أحسنت vouloir faire revivre la sharia لأن المسلم il a de la غيرة pour son دين et ça le touche quand des gens ils khalifent, des gens ils contredisent des choses de din. Enfin, son but c'est de faire revivre ces choses. Naam. Enfin, c'est ça un niya. Husn un niya pour talib al-ilm, comme on a détaillé dans le premier cours. كذلك هذه النية c'est un sabab azim pour la compréhension. Parmi les choses qui aident talib al-ilm à comprendre ce livre qu'il étudie, ou ce hadith qu'il a appris, ou ce verset qu'il a lu, parmi les choses qui vont t'aider, c'est cette niya. قال الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه كما في المنتخب قال أبو عبد الله أي الإمام أحمد العلم موقوف على العمل به. العلم موقوف على العمل به أي ce علم te sera utile si t'appliques. قال والعمل موقوف على الإخلاص. Ce عمل sera utile avec la sincérité. قال والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. Et ce إخلاص, t'es sincère, tu fais ça pour Allah جل وعلا, pas pour se montrer, pas pour الدنيا. Ce إخلاص يورث الفهم. Inch'Allah, ça va être la cause que tu vas comprendre. لأن الله سبحانه وتعالى يفصلت ومخلص كذلك c'est un sabab azim pour connaître le haq خاصة ces époques qu'on vit de fitan et كثير من الناس ils font apparaître qu'ils sont à la ilm, à la sunnah et ils sont loin du ilm et de la sunnah فأنت pour savoir et pour inshallah une facilité pour que tu reconnaisses al-haq min al-batil كذلك al-ikhlas ça va t'aider didden. قال العلامة الصديق حسن خان رحمة الله عليه في قطف الثمر قال وإنما يعرف الحق من جمع وإنما يعرف الحق من جمع خمسة أوصاف. Celui qui veut connaître al-haq il doit avoir cinq choses. Parmi ces choses قال al-ikhlas. Il est sincère. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مُخْرَجًا وَإِنْ تَتَّقُ اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا هكذا قال عز وجل. Si vous craignez Allah, il vous donnera al-furqan. Et tu vas discerner entre le tawhid et le shirk, entre le bid'a et le sunnah, entre le mubtil et le muhiq, entre sahib al-haq et sahib al-batil. Tu vas discerner entre sahib al-huda et sahib al-inhira. Bien sûr, avec la sincérité et des autres choses. Enfin, c'est pour ça qu'il a cité, rahmatullah alayhi, al-fahm, kadhalik. La compréhension, al-ilm, ça va t'aider à discerner. Kadhalik, al-insaf, être juste. ne pas vouloir que forcément ton cheikh ou ton ami, il a forcément raison. Là, al-insaf, t'es juste. Celui qui a raison, c'est celui qui a ad-dalil. Celui qui a tort, c'est celui qui contredit ad-dalil. Fait avec ce insaf a été juste, inshallah, tu pourras connaître al-muhiq min al-mubtil. Ou al-musib min al-mukhti. Kadhalik al-hirs. Al-hirs. Ay vouloir al-haq. Et ça, c'est une des premières étapes. Que ton objectif, c'est tu veux le haq. Inch'Allah, avec ces points qu'il a cités, Al-Allama Saddiq Hassan, la personne, elle trouvera هذا الحق بإذن الله. Et nous, ce qui nous intéresse, في هذا النقل, c'est Al-Ikhlas. قال ابن القيم رحمة الله عليه لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح. Ton cœur, c'est comme un récipient. Ce récipient, il ne peut pas accueillir des choses qui se contredisent. فَلَا يَجْتَمِعْ فِي هَذَا الْقَلْبِ Dans ce récipient, dans ce cœur, الْإِخْلَاصِ وَمَحَبَّةِ الْمَتَحِ Il a sincérité et en même temps, il veut que les gens, il le félicite, il le complimente et il fait ça pour les gens. Là. قَالَ وَالطَّمْعَ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا كَمَا يَجْتَمِعْ الْمَا وَالنَّارِ Comme l'eau et le feu, ça ne se rassemble pas dans un même récipient. فَهَكَذَا الْإِخْلَاصِ Et ce qui contredit l'ikhlas, ça ne se rassemble pas. L'insan, il fait des efforts. C'est un bab muhim, dit-il, al-ikhlas. Et il peut avoir des faiblesses, al-insan, dans son ikhlas. Khasatan, au début. Falihada, kathir min al-salaf, il disait qu'au début, ils ont fait talab al-ilm. Rubama, ils n'étaient pas sincères, ils n'avaient pas une niya comme ils l'ont eu après. Et avec le temps, alhamdulillah, ils ont corrigé. Fahakad al-insan. Au départ, il a des faiblesses. Au départ, Rubama, il a une motivation excessive, ça le pousse à certaines choses. Lakin, il se remet toujours en question. Et il n'abandonne pas. Et petit à petit, il se corrige. Et l'ilm, ça aide. Lakin, son but principal, c'est l'ikhlas, bien sûr. Al-niyya, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Lakin, il peut arriver des choses au départ. Qala ba'du salaf, ashaddu ma 'alajtuhu an-niyya. La chose la plus dure que j'ai dû à corriger, c'est l'intention. Ça montre que ils ont corrigé, ils ont fait des efforts. فهكذا نحن jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala يفتح علينا. هذا ما يتعلق بالإخلاص. Et واضح pourquoi الشيخ سعدي رحمة الله عليه il a commencé par l'ikhlas, c'est clair. C'est clair, لأن c'est la condition pour que l'œuvre soit acceptée. Bien sûr, avec متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا العلماء ils citent souvent dans les premières conditions, les premiers comportements, les premières choses, al-ikhlas, la sincérité. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ثم قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه طريقة الطلب ça, c'est le titre de الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه طريقة الطلب أي الطريق c'est la route, le chemin, la voie. At-talab, c'est l'apprentissage. Et comment tu vas apprendre? Ton apprentissage, il va se faire comment? La méthodologie, la méthode. هذا. قال ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. الشيخ سعدي رحمة الله عليه te montre. أولا, t'as besoin d'une intention. لأن t'as pris cette voie. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه t'as pris cette voie qui amène à la jannah. Ça c'est, t'as besoin d'une intention, et que tu fasses que pour Allah jalla wa ala. كذلك t'as besoin de faire des efforts pour arriver à un objectif, ay fil ilm, de devenir un talib al-ilm, de devenir un savant bi-idhnillah, de faire profiter les autres, de profiter toi-même, d'adorer Allah ala basira, de tu sois élevé en degré. Tout ça, tu as besoin d'une méthode. Léana, tu peux être sincère, et kathir min al-talaba, ils sont sincères, lakin, ils talib al-ilm, ils ont une méthodologie, elle n'est pas correcte. Enfin, malgré qu'ils soient sincères, ils n'avancent pas comme un autre talib qui a compris la méthodologie. C'est pour ça que tu trouves deux étudiants Ils ont commencé l'ilm en même temps. Ils sont sincères les deux. Tu trouves un, il avance beaucoup plus que l'autre. Parmi les causes, et ce n'est pas la seule cause, parmi les causes, c'est que celui qui avance plus, il a cette méthodologie. Et il perd moins son temps. Or, Obama, il fait moins d'efforts. Lakin, il avance plus. قال ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. Premier point qu'il cite, c'est tu commences par l'essentiel. Tu commences par le plus important. Tu commences petit à petit. Tu fais passer le plus important et petit à petit, livre après livre, matière après matière, tu vas, inshallah, profiter. Et ton ilm va augmenter. Et tu vas avancer beaucoup plus. Kadhalik, c'est une source de motivation. Al-talib, s'il avance, il sent qu'il avance, et il apprend, et il finit des livres, et il avance dans al-hifz, dans la mémorisation, c'est une cause qui continue. Wal-aksu bil-aks. Beaucoup de talabat al-ilm, ils arrêtent al-talab. Pourquoi? Parce qu'ils désespèrent. Ils sentent qu'ils n'avancent plus. Ils commencent un livre, ils ne le finissent pas. Il commence à mémoriser un matn min al-mutun kal 40 an-nawawiyya ou al-usul al-thalath ou kitab tawhid ou un matn min al-mutun, il le finit pas, il désespère petit à petit hatta idlass. Hatta ash-shaytan, il lui fait croire annahu c'est pas pour lui. Une des causes, c'est qu'il a pas appliqué le conseil de nos savants ay fi tadarruj, ay petit à petit. ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية التدرج العلماء رحمة الله عليهم il le cite souvent. تدرج, ça veut dire avancer étape par étape, commencer par l'essentiel, ne pas tout mélanger. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله سبحانه وتعالى يقول كونوا ربانيين, soyez ربانيين بما كنتم تعلمون, أي quand vous enseignez et quand vous apprenez. Donc ça c'est آية من آية الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يحثنا على هذا, qu'on soit des رباني. Ça veut dire quoi? قال الإمام البخاري رحمة الله عليه الذي يعلم, أي في صحيحه, الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. Celui qui enseigne aux autres صغار العلم, أي les petites choses avant les grandes choses, أي في العلم. لأن تعلمون أن les livres, c'est pas des livres qui sont tous au même niveau. الأصول الثلاث في التوحيد c'est pas فتح المجيد. الأجرومية في النحو c'est pas الألفية. البيقونية في المصطلح c'est pas تدريب الراوي أو التقييد والإيضاح. الأربعين النووية c'est pas صحيح البخاري. 40 حديث c'est pas 6000 حديث. فالطالب العلم il doit avoir cette méthodologie أنه il se précipite pas. Annahu, il demande s'il ne sait pas. Et il commence par les choses simples. قال الإمام الزهري رحمة الله عليه. Ça, c'est ce kalam de l'imam الزهري, comme في جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه. Ça nous montre أن السلف, il donnait de l'importance à هذا. Et السلف, il conseillait leurs élèves بهذا. قال يا يونس. C'est un de ses élèves, يونس ابن يزيد الأيلي رحمة الله عليه. يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية. نعم, أي ne te précipite pas, ne mélange pas. هذا العلم il est واسع. Ce علم il est vaste, c'est un océan. C'est comme si tu prends une personne, ou une personne plutôt, elle ne sait pas nager et elle est jetée au milieu de l'océan. Elle va couler. هذا, il n'y a aucun doute, elle va couler. Cette personne, elle ne sait pas nager, elle coulera. هذا هو الأصل. أما une personne qui ne sait pas nager et elle commence par un petit bassin. ثم elle rentre, l'eau il atteint, ou l'eau elle atteint ses chevilles. ثم ses genoux. Elle apprend, حتى إن شاء الله elle apprendra à nager. هكذا العلم. هذا العلم, c'est bahr, c'est un océan. Tu es obligé de commencer par le début, si tu veux avancer. Qala fa innaha aw fa ayyuha akhadta fihi qat'a bika qabla an tablugha. Sahih. Lianna hadha al-'ilm c'est comme un océan. Si tu commences mal, l'ilm prendra le dessus sur toi. Tu n'y arriveras pas. قال ولكن خذه مع الأيام والليالي أي tout doucement. بعض الطلبة surtout les débutants, ils ont un défaut, c'est أنهم ils se précipitent, ils veulent tout apprendre en une semaine. Ça c'est un khata. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on fait pas ce livre? Pourquoi tu rajoutes pas? Pourquoi on fait qu'un dars? Pourquoi le dars ne dure qu'une demi-heure? Ça montre. Fil haqiqa alama khair, il est motivé. Lakin, c'est pas comme ça. Al-ilm, c'est pas un jour. Al-ilm, il faut des années. Les premiers jours, les premiers mois, les premières années, c'est comme une introduction. Tu rentres, petit à petit. Hatta, il y aura des choses, ça sera maîtrisé, des fondements acquis. Et tu verras que t'avanceras, t'auras une base de mémorisation. Et tu comprendras beaucoup de choses. Mais au début, il veut comprendre l'arabe, il veut comprendre tawhid, il veut comprendre usul, il veut comprendre tafsir, il veut tout comprendre. Tu peux pas. Tu peux pas, hadha al-ilm, il est trop lourd au départ. Pour toi, les annaka, t'es pas encore apte. T'es pas encore apte à tout accepter, à tout prendre. Qala wa la ta'khud al-ilm jumla ou jumal. Fa inna man rama akhadhahu jumlatan dhahaba anhu jumla. Conseil de l'imam Zuhri à son élève, fais attention de ne pas vouloir tout prendre d'un coup. Celui qui veut tout prendre d'un coup, il perd tout d'un coup. Il prendra rien. Hakada. Les choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créées comme ça. On doit faire des efforts petit à petit pour arriver à un certain niveau. Al-ulama, si tu lis la biographie des salafs, et kadhalik de nos savants contemporains, des années avant qu'ils écrivent un livre, des années fut talab, des années de mémorisation, tu trouveras l'ulama, ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, il est fil ilm. Al-An, c'est une référence. Amma, comme toi, la première année, la première semaine qu'il a tlob l'ilm, il était comme toi. C'était un débutant, il connaissait pas grand chose, et petit à petit, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est devenu une référence. Limadha li'anna, il a appliqué at-tadarruj, étape par étape, et la régularité. Tout ça avec la sincérité, et at-tawfiq min Allah jalla wa ala, الطالب يسرع على خير. فهذه الخطوة هي مهمة. قال الإمام الزهري ولكن الشيء بعد الشيء أي étape par étape. هكذا الطالب tu dois traverser des étapes. قال مع الليالي والأيام كذلك le temps. Laisse le temps, prends du temps, donne du temps. Inch'Allah tu y arriveras. نحن الآن ce livre qu'on fait, cette risale elle est مختصرة. Petit à petit. Le cours précédent, on a lu et on a expliqué l'ikhlas, wallahi alhamd, on a compris. Aujourd'hui, cette mas'ala, at-tadarruj, comment faire talab al-ilm, certains points, résumés. Le prochain cours, une autre mas'ala, wa'akada. Inch'Allah, quelques cours et on a fini, on a profité. On passe à un autre cours. Petit à petit. Amma, on va lire, on peut la lire aujourd'hui. On se précipite. On ne prend pas de notes. On ne comprend pas grand-chose. Le but, c'est on a fini un cours. C'est un but. C'est pas ce but, il montre que l'ikhlas, c'est un problème. C'est pour ça, tout doucement. Et que tu le finisses en deux jours, en une semaine, tu vas le finir. L'essentiel, c'est l'ikhlas et le profit. On profite. C'est ça l'essentiel. Un match, tu finis en un jour. Et après, tu as fini le livre et après. S'il reste rien. Si tu n'es pas capable de transmettre ce que tu as appris, elle est où le faïda? Il n'y a aucune faïda. Une chose, c'est que tu as fait ce livre. Et après, ça ne change rien du tout. Si tu l'as fait et ce n'est pas appliqué, c'est quoi notre objectif? C'est quoi le faïda? On a gagné quoi? Amal-an, on le fait. Et, alhamdoulilah, on applique. Ce livre, on l'a choisi au départ, c'est une base. Ça va nous aider pour tous les doros. La sincérité, comment te l'obliger, dans toutes les matières que tu vas faire, tu as cette base qui va t'aider. C'est ça l'objectif. Et c'est ça, tariqat ulama ina. Qala al-Shaykh ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, kama fi kitab al-ilm, قال ابدا بصغار الكتب وتاملها جيدا. Commence par les petites rasa'il. On citera un programme résumé dans chaque matière pour donner un exemple على هذا الباب. قال ثم انتقل الى ما فوقها. Tu commences par une petite rasa'il, ثم ما فوقها, ثم une rasa'il moyenne, hatta tu vas arriver au grand livre. Et tu auras les outils pour comprendre. لأن tu as traversé des étapes avant. قال حتى تحصل على العلم شيئا فشيئا على وجه يرسخ في قلبك. Et c'est ça le but. Petit à petit, حتى tu auras du ilm, il va être ancré dans ton cœur. علم بحفظ. Tu pourras parler avec des adillah, tu pourras citer des règles, tu pourras parler avec kalam ahl al-ilm, tu pourras citer les références. Et on le voit. On le voit, un frère qui a tlab l'ilm sérieusement, عند أهل العلم, avec une méthodologie correcte, et un autre qui a tlab l'ilm, lakin imma tout seul, imma il n'était pas sérieux, imma il mélangeait. Tu le vois. Tu le vois dans un point les références. Obama il parle à la fin une référence, il ne sait pas d'où son kalam il vient. Lui-même il ne sait pas. Hada, tu ne peux pas apprendre de lui. Le kalam, il faut des références. Kadhalik, tu le vois dans la méthodologie. Rabbama, c'est un talib ilm. Il veut donner des cours. Il veut enseigner. Rabbama, il fait plus de mal que de bien. Un jour, il commence un livre. Il l'arrête. Un jour, il commence un livre. Il n'est pas adapté aux élèves. Les élèves, c'est trop pour eux. C'est trop lourd. Hatta, ils délaissent. Wahakada. Les fondements, ils ne sont pas bons. Ils sont mauvais. Tout ce qui vient après, le mal, il est plus grand que le bien. Qala, rahmatullah alayhi. Qala, ala wajhin yarsukh. في قلبك وتطمئن إليه نفسك. صحيح. Cette طريقة ça va reposer à talib. Ni trop, t'es au-dessus de ses capacités, ça va être trop lourd, ni pas assez, il ne fait pas d'effort, il n'avance pas. Là, entre les deux, les efforts avec une méthodologie correcte et il avance petit à petit. قال كذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كثيرا من طلبة العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة. Et ça, tu le vois. Tu trouves à Talabat al-Ilm, il connaît plein de sujets. C'est vrai. Pourquoi? Surtout maintenant avec Internet, avec les réseaux sociaux, il a plein d'informations qui viennent. Il connaît des choses dans le manhaj, il connaît des choses dans l'aqida, il connaît des choses dans le Coran, dans des hadiths, des masail fiqhiyya. Il connaît. Lakin, قال شيخ ابن عثيمين, ما عنده أصل. Il n'a pas de fondement. مثلاً في الفقه, il peut te citer une mas'ala fi al-tahara. Il peut te citer. Il te dit, la sunnah, c'est de laver son visage de telle manière. Il sait. Il a reçu un message. Ou il a lu une traduction. Il sait. Tu le fais sortir de cette mas'ala, l'étape suivante, tes bras, il ne sait pas. Il a entendu. Lakin, ce n'est pas fondé sur un dalil, avec kalam ahl al-ilm, avec des références. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas étudié l'ilm à la tariqat ahl al-ilm, avec un matn min al-mutun, avec un kitab min kutub a'immat al-ilm, régulièrement. Hatta il a cerné le sujet. Bihamdillahi jalla wa ala. Il a compris le sujet. Il peut parler, il peut parler matalan, il peut t'expliquer at-tahara du début à la fin avec des adillah. Il a étudié, il a appris. Amma des masail à droite, à gauche, hatta al-awam. Il ne connaît rien. Avec, il écoute à la radio, il écoute au masjid, dans le khutbah, il sait certaines choses. Lakin, tu le fais sortir de cette chose qu'il connaît, il ne connaît plus. قال الشيخ ابن عثيمين لو تأتيه مسألة واحدة شادة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لها حلا. Tu le fais sortir d'une chose. مثلاً, il a lu un livre sur tel sujet. Il pourra te parler. Surtout s'il vient de le lire, c'est encore frais. Tu le fais sortir de cette chose. Mais c'est important, ça peut être tawhid, ça peut être l'aqida, ça peut être fil asma wa sifat. Il ne peut pas parler, il ne sait pas. Pourquoi? Il n'a pas tlab l'ilm. Il a des connaissances, lakin c'est comme des informations. Amma tlab l'ilm, ce n'est pas comme ça. Tlab l'ilm, ce n'est pas des informations. Ce n'est pas des connaissances que tu prends à droite, à gauche. Tlab l'ilm, c'est un ta'sil, des fondements. Pourquoi, à ton avis, al-ulama? Et on cite souvent cet exemple dans les assises de savants. Al-alim, il n'a rien préparé. il est assis et il donne du temps à ceux qui veulent poser des questions. Il n'est pas au courant ce qu'on va lui poser. Il n'a pas de référence, il n'a pas de livre, il n'a rien. Une personne, elle pose une question sur le Hajj, il répond. Alors que Obama, ça fait des mois, des années qu'il n'a pas révisé ses masa'il. Une personne, elle pose une question Tahara, il répond. Une personne, elle pose une question sur Salat, il répond. Une personne, elle pose une question sur le Manhaj, il répond. Une personne, elle pose une question tafsir d'un verset, il répond. Comment il fait? Parce qu'il a du ta'asil. Lui, il n'a pas pris l'ilm des informations sur Internet, des messages. Il n'a pas pris l'ilm hakada. Il a pris l'ilm, il a appris des fondements. Fondements dans le fiqh, fondements dans le hadith, fondements dans le Coran. Après, il a étudié des livres. Il a étudié Umdat al-Ahkam, Bulugh al-Maram. Il a étudié le Coran. Il a étudié Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Il a des usuls. Donc, chaque sujet, il est capable de parler et de le traiter. Chaque sujet, sauf certains sujets, bien sûr, l'alim ne connaît pas tout. Lakin, globalement, walillahi alhamd, il est à la khair et il transmet. Nahnu, c'est ça notre objectif. Pourquoi on fait des livres dans le tawhid, après dans l'aqida, après dans le fiqh? Attends, on a des bases, et inshallah, dans chaque sujet, tu peux parler et tu peux appliquer, tu peux transmettre. قال شيخ ابن عثيمين كذلك رحمة الله عليه قال وعلى طالب العلم أن يبدأ العلم شيئا فشيئا petit à petit. تبدأ في الأصول والقواعد والضوابط. Ça c'est important. مثلا, pour vous donner un exemple, l'importance des fondements. On a appris ensemble le cours précédent une règle, l'ikhlas. On avait dit c'est global, ça englobe toutes les ibadahs. T'as compris cette règle? Si on te pose une question, est-ce que je veux faire le hajj? Est-ce que je dois avoir une intention? Ta réponse, ça sera oui. Oui, parce que t'as compris la règle. Chaque ibadah, il faut une intention. Tu diras oui, il faut que tu fasses le hajj lillah. Est-ce que siyam il faut une intention? Oui. Est-ce que zakat font une intention? Oui. Est-ce que salat font une intention? Oui. T'as la règle. Hada. Fama balouk anta, c'est une règle dans les intentions. T'as une règle fi le fiqh, dans les abwab de fiqh, fi le hadith, fi le Qur'an. C'est exactement la même chose. T'auras cette base, tu peux te reposer dessus. À chaque fois, tu l'utilises. C'est ça que Cheikh Al-Uthaymeen, il nous démontre. Et c'est ça le problème, l'an, qu'on a fi talabat al-ilm, ou fi l'ikhwan. Ahl-Sunnah, c'est qu'on a un problème fi hada. C'est pour ça qu'il y a des fitnes. C'est pour ça qu'il y a des sujets très simples et divisent. Un sujet très simple, عند العلماء c'est clair, عند طلبات العلم c'est clair. Et chez certains frères, ça divise. Pourquoi il a dit, pourquoi il a fait, etc. Et ça divise tout le monde. Alors que il y aurait un bon comportement, avant ça, al-ikhlas, et on est tous ancrés fi l'ilm, et on a compris les règles, les bases. Et Inch'Allah, il n'y a aucun problème. On sait si c'est haqq ou batil. Et on a le bon comportement à adopter face à cette mas'ala. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen. Qala wa ma ashbaha min al-mukhtasarat ma'a al-mutun. Li'anna al-mukhtasarat sullam ila al-mutawwalat. Kadalik, tu as des bases. Avec un matn mémorisé, compris. Et ce matn, un matn, c'est une petite risala, comme al-usul al-thalat. C'est un matn, en arabe, ils appellent ça matn. Le jam'a, c'est mutun. Al-Usul Talat, ça va être une base tayyiba fi tawhid. Tu le connais par cœur, tu l'as compris. Tous les livres qui viennent après, tu vas augmenter cette base que tu as. Et Kitab Tawhid, maintenant, dans le sujet de Tawhid, Kitab Tawhid, c'est la base. Il a cité des hadiths, des versets dans chaque chapitre fi tawhid et fi shirk. Si tu as cette base, tout ce qui vient après, c'est fondé sur cette base. Amma, un frère, ni il a étudié Usul Talat, ni il a étudié Kitab Tawhid, ni Kesh Shubuhat. Du jour au lendemain, il ouvre un chapitre qui fait Al-Majid. Rupama, il ne comprendra pas. Rupama, il va lire un qawl, c'est un qawl marjouh, il va croire que c'est le haqq. Si quelqu'un le contredit, Rupama, il le hajur, Rupama, il le critique, et ça fait des fitaines. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris l'ilm. Il se précipite. Et il croit que tout ce qu'il lit, lui, c'est le haqq. Alors que ce n'est pas comme ça. Le haqq, c'est ce qui contredit pas Al-Adilla. La haqq, c'est ce qui est fondé sur les règles que nos savants nous ont montrées. C'est pas ce que tu lis toi ou ce que tu as compris toi. Ça, c'est muhim. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, wa man lam ya'rif al-usul, wa man lam ya'rif al-usul, hurrima al-usul. Celui qui connaît pas les bases, il sera privé de l'arrivée, son objectif. En arabe, al-usul, jam'u asl. Et al-wusul, bil-waw. C'est l'arrivée. Donc celui qui n'a pas al-usul, les bases, il n'aura pas l'arrivée, al-wusul. Le Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi, il cite souvent, hadhihi al-kalima. On cite dans chaque matière, pour te donner une image, faqat. Chaque matière, on cite tariqat que l'ulama y conseille. Globalement, ça peut changer un livre ou un autre. Lakin, des livres connus dans chaque matière que talib ilm doit étudier étape par étape. Tawhid, talib ilm commence par l'usul al-thalat, kitab tayyib, le cheikh l'islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Thumma, al-qa'id al-arba'. Et il est matbou' avec l'usul al-thalat. Thumma, nawaqid al-islam. ثم سيغاجوت الواجبات المتحتمات طيب سيجمع لكلام شيخ الإسلام ثم كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات تو سا سي دي ليف دو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ثم ابخي كشف الشبهات فتح المجيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن الى اكسبليكي كتاب التوحيد avec une explication elle est vaste. Si tu fais ce tadarruj, t'es sincère, t'es régulier, tu révises, Inch'Allah ta'ala, tu auras compris le tawhid. Chaque livre de tawhid que tu lis, que ce soit kalam al-imam ibn al-qayyim, ou kalam shaykh al-islam, ou kalam al-ulama, les fatwas, ou les situations que tu vis, que tu entends, par rapport au tawhid, Inch'Allah, tu auras la réponse. Et si tu as oublié, vu que tu as un talib ilm, tu as les références, tu sais où revenir. Tu sais que dans Fath al-Majid, il parle de cette masala. Tu sais que dans Kashf al-Shubuhat, il a montré cette ambiguïté, cette shubha. C'est ça un talib ilm. Ça te facilite. Hada fi tawhid. Fi al-fiqh, il commence par Minhaj al-Salikin, le Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi. Ou Umdat al-Ahkam, l'imam al-Maqdisi. Après cette étape, il a fait Minhaj al-Salikin ou Umdat al-Ahkam, Bulugh al-Marab, l'Hafiz ibn Hajar, rahmatullah alayhi. Et dans ce cas, il aura des connaissances dans chaque bab fi al-fiqh. Chaque bab fait le fiqh, il aura des connaissances. Les anna'amdat al-ahkam et boulou al-maram, ils traitent chaque chapitre. Min al-tahara, ils vont jusqu'à l'bouyou', bab al-nikah, jusqu'à la fin. Fil aqida, al-asma wa-sifat, et tout ce qui traite les sujets de l'aqida, ils commencent par l'um'at al-i'tiqad. L'imam ibn Qudama, rahmatullah alayhi, avec le sharh de Cheikh ibn Uthaymeen. Thumma, après l'um'at al-i'tiqad, al-qawa'id al-mutla, les Cheikh ibn Uthaymeen, des règles dans les noms et les attributs. Après cette étape, al-wasitiyya, les cheikhs l'islam, c'est la base. Al-an, il aura traité tous les sujets de l'aqida en résumé. Après ce livre, al-wasitiyya, il peut faire al-tahawiyya, l'imam al-tahawi, rahmatullah alayhi. Après ce livre, al-hamawiyya et tadmouriyya. Al-hamawiyya et tadmouriyya, et bien sûr, sharh ibn Abi al-Izz ala al-tahawiyya. Tous ses livres dans l'aqida, il aura compris l'aqida. Tous les chapitres, bi-idnillah. Tous les livres qu'il lira et toutes les masailles qu'il rencontrera dans l'aqida, il aura ses bases, il aura compris. Pour comprendre ces trois matières qu'on a citées, et c'est ça l'ilm, al-fiqh, wal-aqida, wal-tawhid. Pour comprendre ces matières, tu as besoin d'outils. Parmi les outils, Cheikh Sa'di l'a cité, on va lire min al-kitab al-lugha, la langue arabe. Et ça, on détaillera quand on lira la parole de Cheikh Sa'di. Kadhalik, tu as besoin de usul fil-fiqh. Ce qu'on appelle usul al-fiqh, pour comprendre le fiqh. Et min ahsan al-rasail, la risala de Cheikh ibn Uthaymeen, al-usul min ilm al-usul. Il y a les simples. Kadhalik, tu as besoin de règles fil-fiqh. Al-qawa'id al-fiqhiyya. Et parmi les rasail les plus simples, la risala de Cheikh Sa'di, rahmatullah alayhi. Al-qawa'id al-fiqhiyya. Kadhalik, tu as besoin d'une base fil-hadith. En tant que talib ilm, tu vas souvent entendre ton professeur ou ton cheikh dire ce hadith il est sahih, ce hadith il est mawquf, ce hadith il est munqati', ce hadith il est mursal. Tu dois avoir des bases. Et parmi les rasail les plus simples, al-bayquniyya. Elle est simple. Moi, il y a des autres livres. Kadhalik, fi al-nahu, on va le voir, fi al-lugha. Kadhalik, fi usul al-tafsir, tayyib. La risala de Cheikh ibn Uthaymeen, elle est tayyiba. Ou Muqaddimat usul al-tafsir li Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Avec ce programme et ces matières, Inch'Allah ta'ala, tu comprendras l'ilm al-shura'i. Et c'est ce qu'on avait fait, walillahi alhamd, avec les frères quand on était à Damaj. On avait fait At-Tawhid, on avait fait les livres que j'ai cités, wa akthar, et on avait fait les livres Al-Aqidah, et on avait fait des durus Al-Fiqh. Kadhalik, on avait fait, et c'était nafi' pour les tullabs, et on a vu la différence, annahum y comprenaient mieux. On a fait dans chaque matière un livre, ay ulum al-ala, ay c'est des outils pour comprendre l'ilm. On avait fait un dars fi al-mustalah, al-waykouniya, on avait fait un dars fi al-qawaid al-fiqhiyya de Cheikh Saadi, on avait fait un dars fi usul al-tafsir de Cheikh Ibn Uthaymeen, et wallahi alhamd, les frères ils faisaient de la langue arabe. Avec ça, ils ont progressé, ils ont compris l'ilm. Ah, c'est comme ça l'ilm, ya jama'a. L'ilm, c'est pas toi qui décides. Tu prends un livre et tu te dis aujourd'hui je fais que ce livre, je vais apprendre que ce livre. Là, tu dois te revenir à Ahl al-Ilm. Est-ce que c'est ça la méthode? Nous, on insiste, les frères, ne faites pas tout seul. T'es motivé, ça suffit pas. Ne fais pas tout seul. Toujours tu demandes, qu'est-ce que je dois faire? Dès que ton professeur, le shir, il t'a montré le tariq, fais des efforts. Nous, on fait des efforts. On commence petit à petit. Parmi les choses essentielles qui doit commencer, talib al-Ilm, c'est tawhid. Il commence par tawhid. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Tu seras jugé sur هذا. Et le mouahid, il rentre fil jann بإذن الله جل وعلا. On fait des efforts في هذا, لكن il faut des outils pour ce tawhid. Parmi les outils, قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه. On continue الكلام وما يعين عليها من علوم العربية. On répète la phrase complète. ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. On a détaillé. هي التدرج étape par étape. وما يعين عليها من علوم العربية. العربية c'est un outil essentiel. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسان العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين يتكلمون به أو متكلمين به. Donc Allah سبحانه وتعالى il a révélé ce Coran باللغة العربية بلغة العرب. Il a envoyé son messager من العرب, et il parlait la langue arabe, et il a expliqué ce Coran, il a transmis ce din بلغة العرب, avec la langue arabe. كذلك les savants المتقدمين وإلى يومنا هذا ils parlent en langue arabe. Et ils font da'wah, ils transmettent ce din en langue arabe. Donc, قال ولم يكن سبيل إلى ضبط هذا الدين بمعرفة أو بمعرفته إلا بضبط هذا اللسان. Donc, t'as pas le choix. Pour comprendre هذا الدين, t'es obligé d'avoir cette langue. Pourquoi? Parce que cette langue, elle a été propagée avec la langue arabe. Enfin, comment tu vas comprendre ce din si t'as pas la langue? في الدنيا كما تعلمون. Les gens, ils étudient le chinois, l'anglais. Pourquoi? Parce que certaines matières, certaines choses, elles sont traitées que par ces langues. Il est obligé d'apprendre la langue pour comprendre le domaine. Fait din, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a révélé en langue arabe. Les livres, ils sont en langue arabe. Les savants, ils sont en langue arabe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parlait l'arabe. Le Coran, c'est en arabe. Fais des efforts dans cette langue si tu veux comprendre le din. C'est la clé. Al-miftah. Qala, Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, qala, wa ma'rifatihi إلا بضبط هذا اللسان قالت صارت معرفته من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين. Donc l'apprentissage de cette langue c'est devenu du din. Ça fait partie de notre din. À la base c'est qu'un outil, une langue. Lakin cette langue arabe c'est devenu min al-din. T'es obligé de l'apprendre si tu veux avancer fait din. Donc les traductions ça suffit pas. Traduction, ça ne fera jamais de toi un talib ilm qawi. Traduction, ça aide au départ. Nos frères qui rentrent dans l'islam, ou yastaqimoun, ils rentrent dans le sunna, et au départ, ils n'ont pas la langue arabe, et ils veulent connaître des choses. Il y a des traductions, il y a des cours, lakin ça ne fera jamais de toi un talib ilm qawi. Donc ça, c'est une transition. Fais des efforts dans la langue arabe, hatta tu délaisses ces traductions, et tu puises à la source directement. Parce que les traductions, c'est un problème. Ça fait entre toi et ce ilm, ça met une personne, et tu dois savoir est-ce que cette personne elle est de confiance, amla. Tu trouves des traducteurs, c'est des munharifoun, dollal. Ils traduisent des livres, ou ils donnent des cours de Cheikh l'Islam, de l'imam Malik, de l'imam Ahmed, à Imma, Kiba. Et ils traduisent, ils te donnent ce ilm à sa manière. Il déforme l'ilm du savant. Amma anta, inshallah, ta falang arabe et tu prends directement l'ilm. Inda ahli. Kadhalik, ihdar, fais attention que cette motivation pour la langue arabe, elle te pousse à prendre al-lugha al-arabiyya inda ahli al-bida'. Fais attention. Inna hada al-amr din. فانظروا عمن تأخذون دينكم هكذا قال محمد بن سيرين رحمة الله عليه. Fais attention de ne pas prendre هذا العلم عند أهل البدع. لأن c'est un outil. Si cet outil est fasid, tout ce qui viendra après, ça sera fasid, ça sera mauvais. Fais attention. لأن كم من الناس ils se sont égarés, ils voulaient la langue arabe, ils ont pris la langue arabe عند الخوارج أو عند الإخوان etc. Et ils se sont égarés. C'est devenu des ikhwan, des khawarij. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appliqué la méthode des salaf. Al-ilm, c'est une amana. Tu dois le prendre inda al-thiqat, inda ahl al-khayr, inda ahl al-ilm. Tu ne le prends pas chez n'importe qui. Certains gens disent c'est que la langue arabe. Wallahi, un i'rab, une jumla, tu ne fais pas attention, il est douce. Il te fera pénétrer, rentrer aqidat al-asha'ira. Surtout celui qui apprend la langue arabe, c'est un débutant, il ne connaît pas de dit. Donc comment un débutant, il apprend عند أهل البدع. Et est-ce que Salaf, il faisait هكذا? Salaf, ils n'écoutaient pas le Coran عند أهل البدع والضلال. Mohamed ibn Sirin, wa Ayyub, wa كثير من العلماء, l'imam, on a déjà cité ces athars plusieurs fois, أنهم, ils bouchaient leurs oreilles, ils n'écoutaient pas, ou ils se levaient. Pourtant, ce munharif, il veut réciter un verset, c'est tout. Il ne veut pas lui donner des cours dans la langue arabe. Il veut réciter. Il disait là, nous, on est des salafiyoun, on doit appliquer ça. Tu ne peux pas. Qaddar Allahu ma sha'a fa'al. La yukallifullahu nafsan la wus'aha. Fais le dua. Fais le haqiqa, tu pourras. Si tu fais des efforts, inshallah, le khayr, il est maujoud. Lakin, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Hatta tu trouves un mudarris qui est apte, avec des connaissances, qui maîtrise son sujet, et qui a l'astiqam, al khayr. Inch'Allah, tu profiteras dans la langue arabe et tu profiteras dans autre chose. قال وتفصيل هذه الجملة كثير معروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. نعم. كذلك on précise que la langue arabe, c'est pas que le nahou. Certains de nos frères, ils font une erreur, أنهم comprennent la langue arabe, c'est que le nahou. Il fait les livres de Médine 1, le livre de Médine le numéro 2, probablement le 3, il fait l'Ajrumiyya, et c'est tout. Là. Ça, c'est une partie de la langue arabe, ce qu'on appelle le nahou. Ça va t'aider à dhabt akhir al-kalima. Na'am, ay al-i'rab, ça va t'aider. Lakin, ça ne suffit pas. Khassatan pour les francophones. Ay, ceux qui ne maîtrisent pas la langue arabe, francophone ou anglophone, ils ont besoin de al-mufradat, du vocabulaire. Ils doivent faire des efforts, fihal. Et ça, tu vas avancer en écoutant des cours. C'est pour ça que nous, on fait les cours arabe-français. Que pour aider nos frères, wallahi alhamd, il y a des fruits. كذلك تكود ديكور باللغة العربية تكود ديكور باللغة العربية de nos savants, des savants qui parlent doucement, clairement. Inch'Allah, petit à petit écoute, ça va te faciliter en écoutant beaucoup le Coran et tu fais des efforts sur les kalimats. كذلك الصرف, c'est مهم. الصرف, c'est مهم. Et ça va te, tu vas apprendre bunya al-kalima avec des awzan et les constructions de la kalima, et ça, ça aide beaucoup. C'est ça l'arabie. Al-nahou, al-sarf, al-mufradat, kadhalik, parler. C'est muhim. Et pour parler, il faut vivre dans un mujtama' qui parle l'arabe. Enfin, parmi les causes qui facilitent à parler l'arabe et à comprendre l'arabe, c'est de vivre dans un mujtama' qui parle la langue arabe. Tu vas progresser. Voilà des mots simples, voilà quand tu fais tes courses, ça sera un apprentissage. Un jour, tu vas apprendre ce mot, un deuxième jour, ce mot, et Inch'Allah, t'avances. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. قال الشيخ سعدي وتفصيل هذه الجملة كثير معروف يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. قال donc bien sûr ce qu'on a donné نحن les programmes ou les conseils, ça dépend après des frères. Il y a des choses, des frères ils comprennent plus vite, ils ont besoin de moins de temps. Il y a des choses, les frères ils ont besoin de moins de livres, les ils comprennent. مثلاً un arabophone c'est pas comme un non arabophone. Donc ça dépend après de la personne. Lakin, ça c'est un barnamaj tayyib et c'est des usul tayyiba. Et la personne d'aïman, elle apprend à demander, si c'est pas. Fas'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. Il y en a des fois, c'est du cas par cas. C'est ce qui nous explique Cheikh Saadi. Qal wa yanbaghi an yasluk aqrab tariq yusil ila al-maqsoud alladhi yatlubuh. Et ça, on l'a expliqué. Tu prends le chemin le plus précis, le plus mortassar, le plus court pour arriver à ton but. Enfin, si tu as besoin d'un livre, fais un livre. Ne perds pas ton temps à faire trois fois le même livre. Alors, on ne perd pas ton temps à faire un autre livre, là, c'est le même sujet, le même niveau. Là, maintenant dans le Tawhid, Al-Usul Thalath, il y a beaucoup de livres qui sont des résumés dans le Tawhid. Là, il y a Al-Usul Thalath, yakfi. Toi, tu passes. Tu arrives à Kitab Tawhid très vite. Toi, à Kitab Tawhid, tu passes. Bien sûr, avec la mémorisation et en maîtrisant. Lakin, faire maintenant dans le fiqh, tu fais Amdat al-Ahkam, tu fais Amdat al-Fiqh, tu fais Minhaj Salikin. Tous ces livres, c'est le même niveau et c'est les mêmes bases. T'en fais un et tu passes à celui d'après, bien sûr, si c'est mémorisé. Et bien sûr, si ça te suffit. Mais si tu as besoin, il y a des frères, ils ont besoin d'un autre livre, il a mal compris, il a une compréhension, elle est assez faible. Fahad al-Abbas. Mais tu sens que tu comprends, et ton professeur, il te dit, Tayyib, tu passes à un autre. Tu passes à un autre. Bien sûr, toujours en revenant à ton professeur, en revenant à ton shir. Qala wa an yantaqi min musannafat al-fun alladhi yashtaghil fihi ahsanaha wa awdahaha. On a donné des exemples. C'est ça. Tu choisis le livre le plus précis, le meilleur livre dans la matière, celui que l'ulama y conseille. Et avant, il y a des livres maintenant, l'ulama ne les conseille pas. Imma il est trop long, imma il y a des hadith dha'ifa. Il y a un livre qui est sorti plus tard, après ce livre, il est meilleur. Là, tu reviens au meilleur livre. Ça te montre un naka en tant que talib ilm, tu ne peux pas étudier tous les livres. Tu as le fiqh maintenant, al-usul min ilm al-usul, c'est min ahsan al-kutub pour les débutants de Cheikh Al-Utaymi. Tu as des autres kutub, al-waraqat, tu as beaucoup de kutub. Mais tu as choisi un, tu l'as compris, tout le reste c'est la même chose, tu comprendras. Une règle c'est une règle. Qala ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الامكان او دراسه تكرير بحيث تصير معانيه معقوله في ذهنه محفوظه نعم اي ريبيت خاصه الحفظ اما الدراسه سي لو ليغ لي كومبري باس ان اوت ليبر لو ليبر سويفون اي فا تو فير ريفيزي لو بروميير مثلا لمعه الاعتقاد tu l'as compris باس ان اوت Al-Qa'id al-Mutla, ça va t'expliquer les règles que tu as apprises fil-Lum'a, fil-Asma wa Sifat, dans le Sharh de Cheikh Ibn al-Uthaymeen. Al-Wasitiyya, tu vas le faire, khasatan, si tu l'apprends par cœur. Al-Matn, ça va te faire réviser l'Lum'a, c'est les mêmes masa'il. Hakada ta'alib ilm, petit à petit. Al-Hifd, tu répètes. Le cours, kadhalik, tu le révises. Kama qad Cheikh Ibn al-Uthaymeen, kama qad Cheikh Sa'di huna. Tu le révises. Hatta, t'as compris le sujet. Amma, t'assistes au cours, une demi-heure. Thomas, tu rentres chez toi. Thomas, tu flues le cours. Tu ne révises pas. Tu viens au prochain cours. Tu auras compris certaines choses. Lakin, un mois, deux mois, six mois, un an, il ne reste plus grand-chose. Il faut répéter. Tu révises. Hatta c'est maîtrisé. Qala, thumma la yazal yukarrir ma marra alayhi wa yu'idu. Toujours, talib al-ilm, les révisions. Toujours. Révise. Toujours un temps pour l'apprentissage et un temps pour les révisions. Et la révision, essaye de ne pas la faire seule. Il y en a tout seul, shaitan y rentre. Un jour tu l'as fait, un jour tu l'as fait pas, un jour tu l'as fait rapidement. Amma à deux, avec des questions-réponses, bien sûr, avec un frère qui est sérieux, qui te fait pas perdre ton temps, en talib ilm, comme toi, t'avances, inshallah, il y aura que du khayr. Hadi, c'est une tariqa mukhtasara. Et nous, on avait détaillé hada, walillahi alhamd, dans al-manhajiyya sahiha, les cours qu'on avait fait avec l'ikhwan. On avait détaillé akthar, lakin, inshallah, fi hada al-qadr. خير وبركة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مع تحية دماج افاق.com